Chapitre 12. Descente de Brunhild vers le royaume de Hel. Après la mort de Brunhild, on fit deux bûchers, le premier pour Sigurd qui fut brûlé d'abord, le second pour Brunhild qu'on brûla après. Et elle était sur un char qui était recouvert d'étoffes funéraires. On raconte que sur ce char, Brunhild prit le chemin de Hel et arriva près de la demeure d'une géante. La géante parla. Loin d'ici, ne traverse pas ma résidence bâtie en quartier de roc. Il aurait mieux valu pour toi broder des galons que désirer l'époux d'une autre femme. Que viens-tu chercher ici dans ma demeure, créature avide, femme du Valand? Afvalandi signifie le pays Valon, la contrée des Valen ou Valschen. Par cette désignation géographique très vague, le Lid scandinave entendait sans doute un pays situé au sud, sur les bords du Rhin. « Si tu tiens le savoir, Valkyrie, à la cuirasse d'or, bien des fois tu t'es lavé les mains dans le sang des guerriers. Brunhild, ne me reproche pas aux femmes qui habitent parmi les rochers d'avoir combattu dans les batailles. Si l'on comparait notre dignité, je l'emporterais sur toi de beaucoup. » La géante. Tu es Brunhild, la fille de Budli, venue au monde à une heure funeste. Par ta faute périront les fils de Gjuki, et cette haute famille sera anéantie. Brunhild. Du haut de mon char, moi qui sais, je te dirai à toi, stupide, si tu veux l'entendre, comment les fils de Gjuki me firent perdre celui que j'aimais et manquer à mes serments. Le vaillant roi fit porter nos chemises, à nous, 8 sœurs sous ses chaînes. Il la fit devenir ainsi Valkyrie. Je comptais 12 hivers, si tu veux le savoir, quand j'engageais ma foi au jeune héros. Partout dans Lindalir, on m'appelait Hilde sous le Haume. C'est-à-dire Valkyrie. Hilde était la déesse de la guerre. On se figurait les Valkyries revêtues de chemises blanches ou semblables à des cygnes. Lindalir est la vallée où résidait Helmir. Je fis descendre vers Hel Yalmgunnar, le vieux chef des Goths, et je donnai la victoire au jeune frère d'Auda. Je provoquai ainsi la colère d'Odin contre moi. Il m'entoura de boucliers dans Skatalund, de boucliers blancs et rouges, dont les bords me pressaient. Il ordonna que celui-là seul m'éveillerait de mon sommeil, qui jamais n'aurait connu la crainte. Autour de ma résidence, située vers le sud, il fit brûler le feu qui dévore le bois. Celui-là seul devait traverser la flamme qui m'apporterait l'or sur lequel Fafnir était couché. Celui qui savait bien distribuer l'or chevaucha sur Grani vers les demeures de mon tuteur. Il me parut le plus vaillant des hommes, ce chef des Danen, avec son allure digne d'un héros. Heureux nous reposâmes sur la même couche, comme s'il avait été mon frère. Durant 8 nuits, aucun de nous deux n'avança son bras vers l'autre. Et pourtant, Gudrun, la fille de Gjuki, m'a accusé d'avoir dormi dans les bras de Sigurd. On voit paraître ici la tradition de la querelle de Brunhild et de Gudrun, dont le 3e chant de Sigurd ne fait pas mention, mais qui occupe une si grande place dans le Nibelungenot. Dans la Volsungasaga et dans l'Edda en prose, la querelle des deux reines commence tandis qu'elles se baignent dans le fleuve pour s'y laver les cheveux. Je m'aperçus alors que, malgré moi, j'avais été trompée lors de mon mariage avec Gunnar. Trop longtemps encore, des hommes et des femmes naîtront pour leur malheur. Mais Sigurd et moi, nous ne serons plus jamais séparés. Rentre sous terre, fille des géants.